Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé, avec toujours plein de très bonnes choses à s'écouter et du contenu inédit. Nouvelle semaine et nouveau lot de nouveautés. On retrouve à l'international World Endman, ça on vous en dira plein de bonnes choses. Anachronisme et autres Grandiosa Muerte, et pour ce qui concerne l'Hexagone, le retour des Marseillais de A-Code, et grand écart géographique, puisque à côté de ça on retrouvera les nordistes de Dark All Slaves, parmi d'autres encore nouveautés. On va pas perdre de temps en blabla dispensable et inutile, et on va s'envoyer tout de suite de la zik avec la première doublette de l'émission de ce soir, Sanguis Sugabog, enchaîné à Imperium Decadence. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux formations d'ouverture d'émission? Eh bien, Sanguis Sugabog, c'est une récente formation de death metal qui nous vient de l'Ohio, aux États-Unis, active depuis à peine 4 ans. Ils sortent là leur second effort studio. Le Quatuor est, n'empêche, signé chez Century Media, avec un nouvel effort studio bien rempli, 12 compos pour un total de 45 minutes d'un death metal lourd, gras, pathos et bien violent. Sanguis Sugabog fait partie de cette nouvelle scène un peu hype du death ricain. Et en doublette, nous aurons des vétérans de la scène Black Atmo venus d'Allemagne, Imperium Decadence, donc une sortie Napalm Records. Le groupe est actif depuis tout juste 20 ans. C'est toujours un duo, hein, le line-up n'a pas évolué en 20 ans d'existence. Et là, on est toujours sur un black atmosphérique, mélancolique, rehaussé de passages ultra violents et vraiment black et dévastateur. Des compos généreuses qui avoisinent les 5 à 8 minutes de moyenne. Homicidal Ecstasy, l'album de Sanguis Sugabog, et on s'écoutera le morceau Proclamation of the Fail. Into Sorrow Evermore, l'album de Imperium Decadence, et on s'écoutera le morceau Truth Under Star. Ça marque le début de l'émission, et c'est parti! We'll be right back. la seconde doublette de l'émission de ce soir, eh bien, contiendra une première nouveauté pour aujourd'hui. Live Sin, alors en deux mots, L-I-V plus loin S-I-N, et c'est tout simplement le projet presque perso de la chanteuse de Sister Sin, Liv Jagrell. Sister Sin a splitté en 2016, et là donc elle lance un nouveau projet musical sous son propre nom. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui ne connaîtraient pas Sister Sin? Et bien, c'est une formation suédoise. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, proposer un heavy hard assez moderne, avec une espèce de grosse prod, avec vraiment dans cet aspect moderne, carrément des sonorités à la Parkway Drive. Donc c'est assez opposé à tout ce qu'on peut retrouver dans le style, notamment qui vient de Suède, où là on va creuser dans une veine plutôt old school revival. Une recette assez efficace, directe, frontale, et Madame Liv Jagrell continue à bien envoyer malgré les années. Voilà, c'est... il y a aussi deux trois éléments, du coup l'approche très moderne qui peut faire grincer, rebuter un peu. Mais ça s'écoute vraiment très très bien, et c'est déjà le troisième effort studio de la formation Live Sin, et en doublette For I Am King. Alors là c'est clairement une doublette de choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de vous diffuser, puisque For I Am King c'est du metalcore mélodesque qui nous vient de Hollande, qui va chercher ses inspirations dans les albums les plus metalcore mélodesque justement, et les moins deathcore de The Black Dahlia Murder, autre Eventual Burn. 9 titres pour 37 minutes, la formation For I Am King a le point commun, tout comme Liv Sin, d'être emmenée donc par une vocaliste, sachant que la vocaliste de For I Am King est originaire d'Iran. Voilà, petite spécificité qualitative supplémentaire. Liv Sin, on s'écoutera le titre Anti-Hero, extrait de l'album Kelly Yuga. For I Am King, le morceau Disciples, extrait de l'album Crown. Et c'est parti tout de suite. Already too late, running high. doublette suivante, là on retourne un peu dans nos habitudes musicales avec deux groupes extrêmes issus de contrées différentes et de styles différents. Tout d'abord, End Oceans, le groupe de Black qui nous vient de Finlande. Il vient de sortir son sixième effort studio via Season of Mist. Rapidement, le groupe a été actif pendant une dizaine d'années, de 1995 à 2005. Quatre albums sont sortis sur cette première période. Puis, il y a eu un split et un retour 12 ans plus tard, en 2017. Le cinquième effort studio est sorti en 2020. Et donc c'est maintenant au tour du 6ème effort studio de voir le jour. 10 titres pour 50 minutes d'un black épique, grandiloquent et de fait assez grandiose hein, dans la musique toujours de End Ocean. C'est plutôt diversifié, c'est hyper cohérent et voilà, derrière c'est des icônes hyper expérimentés et efficaces. Cryptic Carnage en doublette avec End Ocean, là on est par contre sur du death metal qui nous vient de l'île Maurice. Actif depuis une douzaine d'années, le groupe avait sorti une première démo en 2020. Et là, du coup, ils nous sortent un premier album studio longue durée, 12 titres d'un death plutôt frontal, bien old school, hein, qui va chercher ses inspirations du côté des premiers Cannibal ou Deicide, avec par-ci par-là un riffing beaucoup plus trash et des petits solos qui viennent un peu aérer l'ensemble et en même temps renvoyer vers une musique très à l'ancienne de la scène US. An Ocean Within the Earth Canvas, extrait de l'album As in Gardens, So in Tombs, toujours chez Season of Mist. Cryptic Carnage, Human Plague, extrait de l'album Scriptures of Torment, c'est parti. Lies for Et on fait entrer une nouvelle nouveauté dans la diff de ce soir, World and Man. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette formation qui nous vient du Japon? Ça nous vient plus précisément d'Osaka, active depuis un petit peu moins de 10 ans. Et on est sur un savant et savoureux mélange de hardcore, death metal et même deathcore sur les bords, mais la partie old school deathcore. Le Second Effort Studio est sorti tout récemment, 10 compos pour 25 minutes. C'est assez court, c'est brutal, et on a même des gros relents down tempo. Ça n'est pas sans rappeler une autre formation japonaise, tout simplement Cruelty, hein, c'est un peu les mêmes codes. Et tout ça nous permet de patienter jusqu'à la sortie du prochain album de Cruelty, du coup, qui devrait avoir le jour d'ici une paire de semaines. A noter que le gueulard de World and Man est passé pendant quelques années à faire des sessions live avec Stage of Decomposition et Devour the Unborn. Voilà, des bonnes petites références sur le CV pour décrire World and Man. On les aura en doublette avec un groupe assez différent, Free Road, une formation de Heavy Hard qui nous vient du Mexique, active depuis 5 ans. Ils sortent là leur premier effort studio via Dying Victim Production cependant. Voilà, un des groupes les plus light le Delif de ce soir. C'est classique, c'est old school, entre 70 et années 80. C'est plutôt bien fait, c'est tubesque entraînant et ça va à l'essentiel, donc plaisant à écouter, Free Road. World and Man, le morceau Shadow Splitter, extrait de l'album Suffer Leader. Free Road, ensuite Moving On, extrait de l'album Do What You Feel. Simple et efficace, c'est parti. Doublette suivante, on va pas forcément ralentir le tempo ni faire dans la douceur. Autre nouveauté avec Anachronism, c'est une formation qui nous vient de Suisse, c'est du death, brutal death, ça nous vient de Lausanne. Actif depuis une bonne douzaine d'années, ils sortent là leur troisième effort studio. Le groupe a notamment été formé autour du batteur Florent Duployer, on est quelques années avant la création des projets type Cacotanasi. Et une guitariste, Lisa, qui depuis 2017 est également vocaliste dans le line-up. Le duo est accompagné par un deuxième gratteux et bassiste, bah, plus ou moins en deux sessions. Et Anachronism nous propose un death qui se veut assez tech et dissonant. C'est radical, c'est expéditif. Et ce qui est intéressant dans ce registre musical, c'est d'avoir des vocaux donc assurés par une femme. Ce qui est plutôt rare, parce que là on n'est pas dans le death ou le brutal death, on est vraiment dans le tech death. 8 titres pour une trentaine de minutes sur ce nouvel effort studio, et on peut donc assez aisément rapprocher ça d'un Gorguts ou autre Ulcerate, même si Anachronism est, quoi qu'il en soit, toujours plus digeste que les deux formations précédemment citées. Nous aurons ensuite Strike Each Other, groupe de hardcore metal qui nous vient d'Ukraine, actif depuis une bonne douzaine d'années, bientôt 15 ans même. Le groupe vient de sortir un nouvel EP, 6 titres, 3 nouvelles et 3 qui étaient sortis sous forme de single ces dernières années. 2 albums avaient vu le jour précédemment et quelques EP. Et ils en disent qu'il s'agirait de leur dernière production. À savoir s'il s'agit d'un split définitif ou d'une pause temporaire et maîtrisée, étant donné la situation toujours catastrophique en Ukraine. Anachronism, le morceau Minders, extrait de l'album du même nom. Strike Each Other, on s'écoutera le titre Merciless, extrait de l'EP The Final Mixtape. Ce qui remet un petit peu en question ce que j'ai pu vous affirmer la semaine dernière quant à l'avenir du groupe. Allez, c'est parti. Confess, you're confused. You're confused. You're confused. You're confused. L'aspect française et bim, doublette de nouveautés. Dark All Slaves enchaîné à Acode. On traverse la France du nord au sud dans deux styles de métal extrême différents et non moins terribles. Tout d'abord, Dark All Slaves, groupe de Brutal Death inspiré par les plus grands noms du slam, qui nous sort son second effort studio. Sur, excusez du peu, le label le plus spécialisé au monde dans ce style-là, le label ricain New Standard Elite. Un disque qui voit le jour 8 ans après leur premier effort studio longue durée. Et le groupe est toujours aussi brutal et inspiré, ça rigole zéro. Et comme je disais, les inspirations sur les plus grands groupes ricains du nom. Et ma foi, il se la pose là en termes d'efficacité et de renom. Le groupe a d'ailleurs ponctuellement l'occasion de jouer aux US avec les pontes du genre. 8 compos, une trentaine de minutes, ça va à l'essentiel, c'est suffisant tellement on s'en prend plein la gueule et que le level d'intensité est stratosphérique. Et en doublette avec les Lillois, nous aurons les Marseillais de Acode, le groupe de Symphonic Black Death poséidonien. Revient déjà avec un nouvel EP, alors que leur cinquième effort studio était sorti au mois de mai 2022. 3 nouvelles compos au programme, certainement des sessions non exploitées du précédent album Fourth Reigns Over Opacities and Beyond. Recette toujours bien travaillée, un peu épique, frontale quand même dans l'ensemble, avec des belles orchestrations pour rehausser l'ensemble. Dark All Slaves, Marks of Ritualistic Defacement, extrait de l'album Mephitic Redolence of the Decomposed. Echoed ensuite The Mask of Fate, extrait de ce nouvel EP, Cryptic Curse, bien évidemment toujours dispo via les acteurs de l'ombre.